Samuel Hahnemann, fondateur de l'homéopathie, par Pitre Chevalier. Il y avait une fois. Cette histoire débute comme un conte de fées, et vous allez voir en effet que, toute vraie qu'elle soit, elle a l'invraisemblance d'une féerie. Il faut, pour en trouver l'équivalent, remonter aux actes des apôtres et des martyrs. Il y avait une fois, à Leipzig, un médecin très original. Jeune encore et déjà célèbre, touchant à la gloire et à la fortune, il ne pouvait se consoler de l'insuffisance pratique de son art. Il voulait passer, en fait de traitement, de la conjecture à la certitude. Il souffrait toutes les douleurs de ses nombreux malades et portait le deuil de ceux qui lui mouraient dans les mains. Un jour, il rentra chez lui, morne et découragé. Il venait d'enterrer un jeune homme dont la fin mystérieuse achevait de dérouter sa science. Il trouva son salon plein de clients qui attendaient son retour. Jamais encore sa renommée n'avait attiré autant de monde à ses consultations. Tout autre, à sa place, se serait réjoui de cet hommage public rendu à son talent, de cette promesse de bien-être pour lui-même et sa famille. Le docteur était père de 6 ou 7 enfants. Mais la vue de cette foule lui rendit plus amer le sentiment de son impuissance. « Messieurs, dit-il à ses malades, je ne puis vous recevoir aujourd'hui. » Tous furent étonnés et quelques-uns s'offensèrent. « Nous reviendrons demain, » dirent les plus confiants. « Ce serait inutile, je ne vous recevrai pas davantage. »« Alors quand pourrons-nous revenir ? » ?»« Je ne sais pas. » »« Quand la thérapeutique, qui n'est qu'un mensonge, sera une vérité. » »« Quand j'aurai foi en ces procédés, illusoires jusqu'à ce jour. » »« Quand j'aurai trouvé l'art de vous guérir, enfin. » Et le docteur entra dans son cabinet, dont la porte resta fermée impitoyablement. Le lendemain, toute la ville sut qu'il renonçait à l'exercice de sa profession. On eut beau le supplier, le raisonner, le maudire, le traiter de maniaque, rien ne put étouffer le cri de sa conscience ni ébranler sa ferme résolution. L'homme étrange qui se condamnait ainsi à l'oubli et à la misère était Samuel Chrétien Frédéric Hahnemann. Né le 10 avril 1755 à Meissen, en Saxe, fils d'un peintre sur porcelaine employé dans la fabrique de cette ville, Samuel Hahnemann avait été trempé dès l'enfance dans la pauvreté, le travail et la vertu. Il serait devenu un simple ouvrier comme son père, si la profondeur de son esprit et l'élévation de son caractère n'eussent fixé l'intérêt du docteur Müller, directeur de l'école provinciale. Ce digne homme se chargea de l'éducation de l'enfant, lui ouvrit sa bibliothèque, lui laissa le choix des études et en fit le répétiteur de ses camarades. Samuel grandit ainsi en pleine liberté et s'habitua à voler de ses propres ailes. À 20 ans, il choisit la carrière médicale et partit pour Leipzig avec 20 ducats dans sa poche. C'étaient toutes les économies de sa laborieuse famille. Il gagna de quoi vivre et payer ses études en traduisant des ouvrages anglais et français en allemand, en consacrant à cette rude besogne une nuit sur deux, et en triomphant du sommeil par l'usage de la pipe qu'il devait proscrire un jour sans pouvoir s'en déshabituer. En 1777, il se rendit à Vienne, puis à Leopoldstadt, où il fut attaché à un hospice, puis à Hermannstadt, où il devint bibliothécaire et médecin privé, puis enfin à Erlangen, où il soutint sa thèse publique le 10 août 1779. Bientôt, ses talents et ses ouvrages lui attirèrent une clientèle nombreuse et des honneurs officiels. Médecin en chef des hôpitaux à Dresde, académicien Mayence et à Leipzig, entouré d'amis illustres et puissants, il allait devenir un des premiers et des plus riches docteurs de l'Allemagne lorsque, arrivé au sommet de la science, il y aperçut une immense lacune. Il reconnut que l'art de guérir, avec ses anciennes pratiques, était à peu près une chimère, qu'il se bornait presque toujours à pallier, en tâtonnant, les souffrances humaines, et à substituer un mal à un autre, au lieu d'extirper chacun dans sa racine. Il renonça dès lors, comme nous venons de le voir, à faire sa fortune aux dépens de ses semblables, et il reprit avec héroïsme sa pauvreté et son gagne-pain de traducteur, résolu de ne plus signer une ordonnance qui ne fût un surmoyen de guérison. C'était entreprendre de renouveler et, pour ainsi dire, de créer toute la thérapeutique. On se figure les assauts que la détermination de Hahnemann reçut de ses amis, de ses collègues, de ses clients et du public. Mais les plus terribles combats lui furent livrés par sa femme, Henriette Köchler, fille d'un apothicaire de Gommarn. Indigne de comprendre les nobles scrupules et l'admirable sacrifice de son mari, cette ménagère au cœur et à l'esprit étroit ne vit que la fortune qu'il repoussait du pied et l'indigence où il la rejetait avec ses enfants. Au lieu d'alléger le fardeau commun par ses soins, son courage et sa tendresse, elle en aggrava le poids de jour en jour par l'amertume de ses reproches et l'obstination de ses tracasseries, de sorte que le docteur réfractaire eut à subir à la fois la persécution scientifique au dehors et la guerre domestique au dedans. Il soutint l'une et l'autre avec la foi d'un apôtre et la patience d'un martyr. Chassé de ville en ville par la haine des écoles, gagnant le pain de sa famille à la sueur de son front, menacé chaque jour de voir ses enfants mourir de faim, promenant de résidence en résidence l'enfer bruyant de son ménage, sans autre consolation qu'un travail opiniâtre et des études inutiles, car le but qu'il poursuivait semblait fuir devant lui, Hahnemann traîna sa croix jusqu'à l'heure suprême où cessent les forces de l'homme, où il faut que le corps succombe ou que l'esprit triomphe définitivement. C'est à cette heure fatale que nous le retrouvons à Leipzig, aussi accablé de misère et de douleur qu'il s'y était vu comblé d'honneur et de succès. Il est assis dans une pauvre chambre sans feu, par un hiver cruel. L'éveil et les soucis ont ridé son large front, crispé ses traits délicats et brisé sa forte stature. Sa femme vient de le quitter en le maudissant, comme le bourreau de sa famille. Sa voix gronde encore dans la pièce voisine et se mêle aux cris de trois enfants alités par la maladie. Le fils et la fille aînée du docteur sont restés avec lui pour le consoler, mais leur tendresse même est la lie la plus amère de son calice. Les chers petits anges ont froid, et il ne peut les réchauffer qu'en les embrassant. Ils ont besoin d'aliments et de boissons fortifiantes, et il n'a que l'eau et le pain de l'indigence à leur donner. Un mal obstiné les ronge, comme leurs frères et leurs sœurs, en les traînant vers la tombe, et il ne peut arracher ni les uns ni les autres à cet ennemi inconnu. Le cœur du père invoque la science du médecin, et le médecin voit échouer toutes les ressources de l'art. Hahnemann alors tombe à genoux et s'écrie en levant les mains au ciel « Est-il possible, mon Dieu, que vous refusiez à votre créature des secours certains contre les mille infirmités qui l'assiègent ? Non, vous êtes la sagesse et la bonté même. Vous avez permis au génie de l'homme de vaincre la nature, de compter les astres, de traverser les mers, de gouverner la foudre. Vous accorderez à l'amour d'un père le moyen de sauver ses enfants. » Le docteur se relève, comme si une voix lui eût répondu. Il presse ses enfants sur son cœur avec passion. « Oui, je trouverai l'art de vous guérir. Dieu le veut, je le sens à ma force nouvelle. » Et le travailleur se remet à l'ouvrage avec la foi qui aplanit les montagnes. Il traduisait ce jour-là la matière médicale de Cullen, et il en était arrivé au chapitre du quinquennat. Ô Providence, que l'homme appelle hasard! Ô boussole de Christophe Colomb! Ô fumée de la bouilloire de Watt! Ô pomme de Newton, qui lui révèle les mondes! Hahnemann est frappé des hypothèses vaines et contradictoires de la tradition sur l'action si précise et si infaillible du quinquennat. Et il remarque l'observation faite en passant par Cullen sur la fièvre quinique. Je vérifierai la nature de cette action et je la vérifierai sur moi-même, se dit-il avec une inspiration d'en haut. Oui, la vraie médication, celle qui doit agir avec certitude, n'a peut-être échappé aux médecins depuis tant de siècles que parce qu'elle était trop près d'eux et trop facile pour leur orgueil, parce qu'il ne fallait, pour la toucher du doigt, ni brillant sophisme, ni séduisante conjecture. Eh bien, je chercherai sous ma main où il doit être, ce moyen auquel personne n'a songé parce qu'il était trop simple. J'observerai la manière dont les médicaments agissent sur le corps de l'homme lorsqu'il se trouve dans l'assiette tranquille de la santé. Les changements qu'il détermine alors n'ont pas lieu en vain et doivent certainement signifier quelque chose. Car sans cela, pourquoi ces changements s'opéreraient-ils? C'est là peut-être la seule langue dans laquelle l'art de guérir puisse s'enseigner à l'observateur. Et je serai à la fois l'expérimentateur et le sujet. Le médecin et le malade, l'exécuteur et la victime, s'il le faut. Et je commencerai aujourd'hui même par le quinquennat. 5 minutes après, Hahnemann avalait une forte dose de cet agent fébrifuge, et quelques heures plus tard, il bondissait de joie en se sentant pris de la fièvre. Et les jours suivants, il renouvelait la dose et la fièvre devenait intermittente. Puis de nouvelles doses combinées la chassaient et la ramenaient à heure fixe. Et le docteur s'écriait comme Archimède « Eureka, j'ai trouvé, j'ai trouvé !» Il avait trouvé en effet le principe de l'homéopathie, la nouvelle médication, antipode de l'ancienne, le traitement par les semblables. Similia similibus curantur. Hahnemann avait encore des amis. Il recourt à leur dévouement. Il leur fait prendre du quinquina et ils éprouvent les mêmes effets que lui. Ce docteur, qui avait renoncé à la médecine, eut volontiers conjuré tous les passants d'avaler du quinquina. Et avec quelle ardeur il interroge ceux qui en ont pris. « Avez-vous eu la fièvre ?»« Oui. »« Tant mieux, Dieu soit loué !» Après le quinquina, il essaie les autres substances. Il prend du soufre et se donne la gale. Il prend du mercure et a le même succès. Il prend de la digitale et voici ses propres observations. Action persistante de 7 jours. Refroidissement des extrémités puis de tous les membres. Chute des forces vitales. Battement de cœur. Tristesse et larmes. Crainte de la mort. Manie taciturne. Pouls plus lent de moitié. Constriction douloureuse, suffocante de la poitrine. Douleur aiguë des articulations. Nausées, vomissements, ophtalmie, etc. Un jour enfin, il risque plus que sa vie. Il risque son intelligence et il dit à ses enfants. Si je divague et déraisonne demain, si je deviens fou, en un mot, vous ne vous inquiéterez pas et me ferez prendre ce réactif. Et il absorbe de la belladone. Et son génie, en effet, paraît s'éteindre, sa raison s'anéantir, et ses enfants les réveillent comme il l'a prévu. Ainsi donc, plus de doute, l'expérience est complète, décisive, et donne partout le même résultat. Si le quinquina guérit la fièvre, le soufre, la gale, la digitale, les maladies du cœur, la belladone, la folie, c'est qu'ils sont identiques à la nature même de ces affections, puisqu'ils en développent les symptômes chez l'homme en santé. C'est que la nature agit curativement par voie de similitude. Hahnemann a découvert la certitude thérapeutique qu'il cherchait, le rapport véritable du mal au remède et du remède au mal, rapport qu'il traduit par son fameux axiome « Similia similibus curantur ». L'hostilité même de ses confrères vient confirmer sa conquête, témoin cette scène de comédie qui ne fut pas la seule. Le docteur X plaisantait Hahnemann sur son système des semblables et sur l'efficacité de ses doses infiniment petites. « Avouez, lui disait-il, que vos atomes de quinquina ne donnent ni n'enlèvent la fièvre, et que vous voulez simplement frapper l'imagination, faire du nouveau et guérir l'ignorance par la foi. « Essayez-en, lui répondit Hahnemann en lui présentant quelques globules imperceptibles. « Volontiers, s'écria le docteur qui avala plusieurs doses dans un éclat de rire. La scène se répéta les jours suivants, et le docteur riait de plus en plus fort, car il n'éprouvait pas, en effet, le moindre sentiment de fièvre. Mais un matin, il accourut tout effaré chez Hahnemann, et lui montrant ses mains dévorées de démangeaisons. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » demanda-t-il. « Que je vous ai donné du soufre, en place de quinquina, et qu'au lieu de gagner la fièvre qui vous occupait, vous avez pris la gale, à laquelle vous ne songiez point. » Répartit tranquillement l'inventeur de l'homéopathie. Allégrez-vous encore les effets de l'imagination et croyez-vous enfin aux semblables et aux petites doses ? Le docteur jeta les hauts cris, sa voix battue, et réclama sa guérison qu'il obtint avec de nouveaux globules de soufre. Hahnemann appliqua sa découverte à ses enfants et il les rappela à la vie. Il l'appliqua à ses amis, à ses voisins, à des pauvres et il les guérit avec la même facilité. Il reprit dès lors l'exercice de la médecine avec sa méthode pratique des semblables. Mais à travers quel combat et quelle persécution, c'est ce qu'on ne saurait imaginer. On conçoit qu'il dut, sous peine d'échec assuré, préparer et administrer lui-même ses médicaments tout nouveaux. Or la loi le lui interdisait formellement, et cette loi devint l'arme de la tradition, menacée dans ses privilèges et ses monopoles. Hahnemann osa violer l'une et braver l'autre pour le salut de sa doctrine et l'intérêt de l'humanité. En vain il débute à Georgenthal pour guérir l'homme de l'être Glockenbring qu'une épigramme de Kotzebue a rendu fou. En vain il obtient des succès éclatants à Brunswick, à Kainz-Luther, à Hambourg, à Lorgau, etc. Partout il est traité lui-même d'insensé. Partout les médecins déchaînent les pharmaciens contre lui et l'expulsent comme un charlatan factieux. On vit alors dans chaque ville d'Allemagne le spectacle le plus honteux et le plus déplorable. Hahnemann arrivait, comme un pauvre marchand nomade avec sa famille, ses livres et ses médicaments, le tout pêle-mêle dans un fourgon de voyage. Il s'installait en quelque coin obscur. Il guérissait les malades qui s'adressaient à lui. Puis, dès que le bruit de ses cures se répandait, il recevait la visite du conseiller docteur. Celui-ci le sommait de s'adresser au pharmacien et de cesser la distribution de ses remèdes. Hahnemann refusait nécessairement de se fier à ses ennemis, et quelques jours après, mis hors la loi commune, il devait remonter dans son fourgon et poursuivre sa course errante. Ce fut pendant ces migrations douloureuses qu'il compléta ses travaux et rédigea les livres qui font aujourd'hui sa gloire. Enfermé dans son misérable réduit, entre sa femme qui ne cessait de le harceler et ses 11 enfants endormis derrière un rideau, il consacrait toujours ses nuits aux traductions qui les faisaient vivre et continuait d'expérimenter sur lui-même les substances les plus dangereuses. On se demande comment ses forces morales et physiques pouvaient résister à de telles épreuves. Et chaque année, en dépit de la persécution, il ajoutait de nouvelles découvertes aux anciennes. Il publiait son Organon de la médecine rationnelle et son Traité de la matière médicale pure. Chose étrange, pendant que l'auteur était conspué, ses livres se répandaient, la doctrine faisait un chemin que la haine barrait au docteur. « Et pourtant elle tourne !» pouvait dire Hahnemann en frappant la terre comme Galilée. Mais il n'avait pas, comme Galilée, un palais pour prison, des courtisans à son lever, des laquais à son service, des rois pour défenseurs, des juges éblouis de sa gloire et de son talent. Apôtre incorruptible et véritable martyr de la science, il subissait la persécution la plus lâche et la plus acharnée en même temps, la persécution légale, anonyme, démocratique, qui se pare du prétexte de l'intérêt général, se couvre du masque de la probité, s'abrite sous l'égide de l'opinion et atteint son ennemi au grand jour en restant inaccessible dans l'ombre. Hahnemann travailla, combattit et souffrit de la sorte jusqu'en 1811. Alors il reparut à Leipzig avec l'assurance d'un réformateur armé de toutes pièces et qui apporte la bonne nouvelle de la vérité. Mais le jour de son triomphe n'était pas arrivé encore. Il fut attaqué avec d'autant plus de violence qu'il montrait plus de force. Et il dut se réfugier de Reichef en 1820 à Anhalt-Köthen, où le duc Ferdinand lui ouvrit un asile. Là, enfin, il trouva la liberté du travail et put rendre la santé aux malades sans être menacé de mort. Mais ses succès même, en effrayant ses rivaux, abrégèrent cette trêve de Dieu. Ne pouvant plus lui jeter les pharmaciens à la tête, les docteurs ameutèrent le peuple contre lui. Ce furent d'abord des railleries jetées en passant à ses oreilles ou à celles de sa famille. Puis les railleurs élevèrent le ton et lancèrent les gros mots et les injures. Enfin, l'insulte éclata partout sur les pas du docteur, de sa femme et de ses enfants. Bref, Hahnemann rentra un jour chez lui, poursuivi des huées de la populace. Et comme il paraissait insensible à ces huées, ceux qui les poussaient joignirent bientôt l'action à la parole. Ils formèrent le siège de la maison, en brisèrent les vitres à coups de pierre, et se flattèrent d'en chasser ainsi le visionnaire, le charlatan, l'empoisonneur, etc., etc. L'autorité intervint à temps et dissipa l'émeute, mais Hahnemann, dégoûté d'une telle lutte, jura de ne plus quitter sa demeure. Il s'y enferma dans la méditation et le travail, et pendant 15 années consécutives, on le vit à peine quelquefois dans les rues de Köthen. Cependant, du fond de sa prison volontaire, des messagers éloquents allaient plaider sa cause à tous les coins de l'Europe. C'étaient ses ouvrages, dont les éditions se multipliaient d'année en année. C'était le bruit des cures merveilleuses qu'il opérait dans le silence de sa retraite. C'était la foule des malades illustres, condamnés par l'ancienne thérapeutique, qui arrivaient mourants près de lui, de France, d'Italie et d'Allemagne, et qui s'en retournaient chez eux pleins de santé, proclamant le génie de leur sauveur. C'étaient même les praticiens de bonne foi, qui, éclairés par ses livres ou par ses leçons, abjurer leur vieille méthode pour adopter et propager la sienne. Hahnemann remonta ainsi, par la seule force de son idée, des malédictions aux honneurs, de la misère à l'aisance, de l'abandon à la popularité. Cette révolution éclata à Köthen même, en 1835, de la façon la plus glorieuse pour le vieux docteur. Il avait alors 78 ans, et sa récompense lui arrivait un peu tard. Le bruit courut dans la ville qu'il allait quitter l'Allemagne pour la France. Aussitôt, cet homme, qu'on avait voulu lapider 15 ans auparavant, fut déclaré le bon génie et la providence de Curtin. On se crut perdu si on le perdait. Ceux qui l'insultaient naguère et voulaient le chasser honteusement formèrent un complot pour le retenir de force au milieu d'eux. Hahnemann, qui partait réellement, fut réduit à tromper ses persécuteurs devenus ses séides. Il échappa à cette violence d'un nouveau genre en se mettant en route la nuit, dans le plus grand secret et en cachant avec soin la direction de son voyage. Il était déjà loin quand on apprit sa fuite, et l'on ne se consola de l'absence du docteur qu'en embrassant avec passion sa doctrine. Il laissait heureusement à Curtin et dans toute l'Allemagne assez d'élèves capables d'y faire prospérer l'homéopathie. Quant à lui-même, il venait s'installer en France avec une Française devenue sa seconde femme. Henriette Küchler était morte en 1827, après avoir assisté à la réhabilitation et à la glorification de son mari. 8 ans après, Mademoiselle Mélanie d'Hervilly, digne fille de ces châtelaines d'autrefois, qui soignaient leurs pauvres vassaux, entendit parler des découvertes de Samuel Hahnemann et traversa l'Europe pour aller le consulter à Curtin. La noble cliente du docteur le comprit si bien qu'elle devint une de ses élèves les plus distingués, puis un autre lui-même en épousant l'illustre vieillard. Ce fut elle qui l'amena à Paris le 25 juin 1835. Il y pratiqua l'homéopathie avec des succès qui mirent le comble à sa renommée et mourut en 1843 pour en dire à sa dernière heure, après un demi-siècle de travail et de souffrance, « Exegi monumentum aere perennius ». Notre modeste cadre ne comporte point l'examen des doctrines médicales de Hahnemann, dont la vie seule devait nous occuper, comme une des plus intéressantes des annales de la science, et parce que son nom est classé parmi ceux des inventeurs immortels. Nous devons néanmoins signaler un fait capital et incontestable, c'est que l'homéopathie, au point de vue pratique, non seulement a survécu à son fondateur, mais loin de s'affaiblir après sa mort, a grandi avec sa mémoire et balance aujourd'hui la thérapeutique officielle. Fait immense et décisif, lorsqu'on songe que le nouveau système progresse par ses seules forces, à côté d'un rival maître des académies, des chaires, des hôpitaux et de toutes les positions légales. On dirait de l'ancien soldat gaulois s'avançant tout nu contre les Romains bardés de fer et arrivant au Capitole sans autre arme que sa vigueur et son intrépidité. Le choléra et la guerre d'Orient ont été pour l'homéopathie l'occasion de ses plus grandes victoires et de son établissement définitif. Ses services ont été si éclatants et si heureux sur ce double champ de bataille qu'on s'attendait à les voir récompensés d'une chaire spéciale à la faculté de Paris. En attendant, et depuis 7 ans déjà, un noble concours entre les deux systèmes s'est ouvert à l'hospice Sainte-Marguerite et se continue à l'hospice Beaujon. La médication homéopathique est représentée dans ces deux champs clos des douleurs humaines par M. le docteur Tessier, le maître le plus illustre et le plus accrédité, le praticien le plus suivi et le plus heureux de la nouvelle thérapeutique, ou plutôt de la médecine sans parti pris. Un de ces hommes d'inspiration de science et de foi, pour qui l'art de guérir est un sacerdoce et qu'il exerce, en le perfectionnant chaque jour, avec toute l'indépendance de l'impartialité, toutes les divinations du coup d'œil, toutes les ressources de l'expérience et toutes les grâces du dévouement. Voici le relevé comparatif officiel des deux services, ordinaire et homéopathique, de l'hôpital Sainte-Marguerite, le premier sous la direction de Messieurs Vallet et Marcotte, le second sous la direction de M. Tessier pendant les années 1849, 1850 et 1851. Médication homéopathique, salle Saint-Benjamin et Sainte-Anne, composée de 100 lits. Sur 1463 malades, hommes et femmes, il y eut 399 décès, soit 85 pour 1000. Modification ordinaire, salle Saint-Augustin et Sainte-Geneviève, composée de 99 lits, sur 3724 malades, il y a eu 411 décès, 73 pour 1000. On voit que la médication homéopathique a perdu moins de malades que la médication ordinaire et conséquemment qu'elle en a guéri un plus grand nombre. Mais grâce au vainqueur même de ce concours et pour tous les esprits de bonne foi, les deux systèmes n'en feront bientôt plus qu'un au grand profit de l'humanité. Monsieur Tessier en effet, et ce bienfait vaudra celui de Hahnemann, puisqu'il le rendra seul efficace et universel, a prouvé dans ses ouvrages et dans la revue de l'art médical, et prouve à chaque instant par sa clinique publique et privée, que loin de s'exclure et de se détruire réciproquement, comme la passion de la lutte l'a fait dire Hahnemann à ses adversaires, l'ancienne et la nouvelle médication n'ont qu'à renoncer aux préventions et aux animosités pour se compléter et s'agrandir dans une union féconde, chacune abjurant ses erreurs inévitables et acceptant les incontestables rectifications de l'autre, la vieille tradition apportant ses trésors d'observation séculaire à la jeune thérapeutique des semblables, et celle-ci couronnant de ses découvertes pratiques l'édifice élevé par la spéculation depuis Hippocrate. De cette façon, les conquêtes scientifiques du passé resteront entières, le présent y ajoutera le moyen de les rendre fructueuses, et l'avenir s'ouvrira plus consolant aux souffrances de l'humanité. Car la médecine, proprement dite, essentiellement composée de théories et d'applications, d'esprit et de matière, comme toute chose d'ici-bas, est à la fois d'hier, d'aujourd'hui et de demain, ainsi que le professe avec tant de raison M. Tessier. Le grand tort de Hahnemann, malgré son génie et son dévouement admirable, a été de rêver le rôle absolu d'un Luther médical, de voir et de placer tout l'art de guérir dans la réforme pratique dont il est l'auteur, et de nier l'œuvre immense de ses devanciers, sans laquelle la sienne même eût été impossible. C'était arracher à l'arbre de la science ses deux branches fondamentales, la physiologie et la pathologie, et le réduire au seul rameau de la thérapeutique ou de la médication. Ce tort, du reste, est celui de tous les matérialistes de tous les temps, de toutes les écoles et de tous les pays. L'entreprise de Hahnemann périrait donc, comme celle de Brousset, autre génie étouffé par le matérialisme, si les pygmalions spiritualistes ne donnaient la vie à la statue homéopathique en la rattachant à l'ensemble de la science. Les séides, qui n'admettent rien en dehors de l'homéopathie, sont des sectaires aveugles et impuissants, aussi bien que les adversaires allopathes pour qui l'homéopathie n'existe pas. Les vrais médecins, et le nombre s'en accroît chaque année, sont ceux qui, comme Dupuytren, Récamier, Tessier et son école, étudiant et développant la foi et l'âme et le corps de l'art médical, acceptent la vérité du jour, sans repousser la vérité de la veille, et sans fermer la porte à la vérité du lendemain, ne reconnaissant d'autre ennemi que l'erreur et la rejetant toujours, quelle que soit sa date et son nom. Ainsi s'achève Samuel Hahnemann, fondateur de l'homéopathie, par Pitre Chevalier.